avant que crache le bâton de feu. Cheyenne et Apache vénèrent les lieux. Avant que les blancs de cette plaine et cet horizon, que sable blanc ne soit devenu béton, que chemin de fer ne déchire l'horizon, qu'il s'approprie la terre et chasse les bisons. Avant que crache le bâton de feu et que les blancs nous imposent leur dieu, les hommes rouges respectaient la terre, les hommes rouges étaient bons locataires. Avant que crache le bâton de feu, Cheyenne et Apache vénéraient les lieux. Ils se disaient frères, frères de trahison, des tribus entières sous des balles de plomb. Avant que crache le bâton de feu, que l'on nous parque comme des bœufs, que le pouvoir défigure l'horizon, que le savoir sert aussi les démons.